Activité 32. Allô? C'est Justine. Ce soir, Angélique et Nicolas viennent manger à la maison. Est-ce que tu peux faire des courses, s'il te plaît? Il faut acheter du pain et de la viande. Moi, je vais au supermarché et j'achète les boissons. Ah, et est-ce que tu peux acheter le journal? Merci. À ce soir. Bisous.